Les comités préparatoires pour la journée de la brillante étoile sont constitués respectivement en Islande, en Finlande et en Norvège. Les comités préparatoires ont décidé d'organiser des cérémonies politico-culturelles pour exalter la vie révolutionnaire et les exploits du général Kim Jong-il à l'occasion de la journée de la brillante étoile. Par ailleurs, le comité préparatoire britannique pour la journée de la brillante étoile est constitué au nom commun de l'Association d'études de la politique de Sun Gun, du Cercle d'études des Zhu Zhe et de l'Association d'amitié avec la Corée.